Laissez-moi vivre en paix sous mon voile de quiétude. Je ne demande rien que la solitude. Le monde est trop borné pour me comprendre. Je ne suis pas destiné à me rendre. Je n'ai que faire de vos besoins futiles porter. Vous sombrez dans le lac de l'ennui et du tort. Je ne vous suivrai pas malgré vos efforts. Le monde est trop puéril. S'élever, je ne veux pas de vos vies. Gardez les murs, je vais vous faire une joie de vous oublier. Partez. Je suis bien comme je vis. Je ne souhaite pas partir d'ici. Si seulement vous ne veniez pas tout détruire. Simplement, laissez-moi croire en l'avenir. Croyez au pouvoir, en l'argent et en Dieu. Je ne pourrai jamais comprendre votre jeu. Je ne suis pas comme vous. Ça vous dérange, pour vous tout doit être traîné dans la fente. Vous resterez seul avec vos illusions. Partez. La bonté, le respect, le bonheur, la nature. Vous avez tout troqué contre la pourriture. Restez noyé dans votre culpabilité. Je ne la partage pas, c'est votre paquet. Protégez-moi contre votre médiocrité. Partez. Je suis bien comme je suis. Et vous êtes jaloux de ma vie. Mais pourquoi vous cherchez tout ça me pourrir? Moi je crois que c'est vous qui êtes seul dans l'ombre. Laissez-nous vivre nos vies, loin de toute votre technologie. Gardez-nous de votre mépris et de votre gloire pervertie. Sauvez-vous de votre cage, de vos barreaux d'argenterie. Et croyez en un nouvel âge de sagesse et d'harmonie.